ramène mon esprit sont à toi, mon Seigneur. Avant de te connaître, j'étais vide et j'avais peur. J'étais perdu si loin de tes bras. Je veux te louer, je veux proclamer ta splendeur, ton amour, ta grandeur éternelle. Je veux te louer et te magnifier. Yeshua, c'est toi qui as les clés de mon cœur. Acheter nos vies.